même, je crois, l'ombre d'un regret, l'ombre d'un repentir. Adieu à mes plaisirs, d'autres chagrins à consoler m'ont déjà de ta mémoire effacé. Il nous faut savoir de temps en temps rompre les amarres, laisser derrière soi son passé, ses craintes à la fois. En Amérique, je n'aurais pas même, je crois, l'ombre d'un regret. Partir est un aveu. Si c'est mourir un peu.